il y a une fadila wadiha, une faveur qui est grande et qui est claire et nette, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si il veut un bien pour une personne, il lui facilite les sujets de religion, il lui donne la bonne compréhension. وَكَذَلِكَ يُوَفِّقَهُ لِلْعَمَلْ بِمَا تَعَلَّمَ. Il lui facilite le fait de vrai et de mettre en application la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne compréhension qu'il lui a donnée. وَمَسَائِلَ الْعِلْمِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Fait tout sujet dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une bonne compréhension dans Abwab al-Din, dans les chapitres de la religion, c'est qu'Allah azza wa jalla t'a voulu un bien, comme le fait par ce hadith-là, qui est ظاهر الدلالة, qui est clair. فَمَنْ فَقَّهَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ, dans un sujet, parmi les sujets de science, c'est qu'il lui a voulu un bien. فَمَنْ تَعَلَّمَ الْوُضُوءُ وَعَمِلَ بِهِ أَرَادَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ خَيْرًا وَمَنْ تَعَلَّمَ أَبْوَابَ الْحَجِّ وَكَيْفِيَّتِهِ فَقَدْ أَرَادَ نَعَمْ وَطَبَّقَهُ وَعَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَرَادَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ خَيْرًا وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَلَّمَ الصِّيَامَ لِآخِرِهِ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ, celui qui, dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la bonne compréhension de ces choses qui sont en dehors du tawhid, parmi al-siyam, parmi al-wudu, parmi les choses qu'il a besoin dans son quotidien. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une bonne compréhension, et كذلك الإنسان يعمل به, فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد له به خيرا, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu un grand bien. Donc que dire si jamais ce sont dans les sujets qui sont en dehors de usul al-din, que si jamais la personne a une bonne compréhension et qu'il œuvre de cette science-là et qu'il applique, Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu un bien. Donc que dire de la personne qui emprunte les chemins pour s'instruire dans les sujets qui sont qui font partie de usul al-din, qui font partie des fondements de la religion. La shak wa la rayba fi, que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'emprunter ces chemins-là et lui donne la bonne compréhension. Et كذلك نعم يوفقه للعمل به, c'est clair et net qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu un bien qui est beaucoup plus énorme que celui qui est contenu dans le fait de comprendre et d'avoir une bonne compréhension dans les sujets qui sont en dehors de usul al-din, qui font partir des furu' de l'islam, كما نعم هو معلوم لدى العلماء وكما قالوا شرف العلم بشرف المعلوم. فهذه المسألة qui est الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى a fait partie des choses qui font partie de usul al-din, des fondements de la religion. فمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقه في هذه المسألة, celui dont Allah عز وجل il lui veut un bien, il va lui faciliter la compréhension de cette mas'ala-là qui est al-hukm, bima anzal Allah ou bien al-hukm, bighayri ma anzal Allah, na'am, et par cela, par cette bonne compréhension, il lui aura voulu un bien. Et comme on a dit, sharaf al-ilm bi sharaf al-ma'loum, la noblesse de la science, tam, elle est relative à la noblesse de ce qu'elle comporte, cette science-là. Et comme na'am al-hukm bima anzal Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses qui font partie des usul al-din, faman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li fahmi hadhihi al-mas'ala فَقَدْ أَرَادَ لَهُ خَيْرًا عَظِيمًا, il lui a voulu un bien qui est vraiment et vraiment énorme. نعم. Et ce bien-là, il se souligne par le fait que cette mas'ala-là, الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو الحكم بغير ما أنزل الله يترتب على عدم ضبطها مفاسد كثيرة, la mauvaise compréhension de cette mas'ala-là peut engendrer des mafasides, des nuisances et du tort qui sont vraiment azimatun jiddan, لأن هذه المسألة هي من المسائل التي تترتب أو تتعلق بالأحكام والأسماء. الأحكام والأسماء, الأحكام c'est que tu juges d'une personne qu'il est sorti de l'islam ou bien qu'il est sorti de la sunnah ou bien qu'il est sorti نعم, يعني c'est un fasiq il akhirih, يعني qu'il est, tu lui donnes un hukm à cette personne-là par rapport à l'œuvre qu'il aura œuvré. كذلك الأسماء, c'est-à-dire qu'on lui donne un nom qui est naham, qu'on va lui attribuer par rapport à l'œuvre qu'il aura fait. Si jamais mettait le monsieur du kufr, on va dire cette personne-là, après que naham iqamatul hujja a été fait, il a fait les dawabit, yani pour descendre un jugement sur une personne, on va dire c'est un kafir, on va dire c'est un fasiq, on va dire c'est un mubtadi', il a fait fa al hukm bi ghayri ma anzal Allah, naham yata'allaq bi hadhihi al mas'ala, qui est quoi, mas'alatu al asma wal ahkam. Et cette mas'ala-là, elle est très dangereuse, le fait d'attitrer à une personne une chose qui ne lui revient pas. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال نعم كما الحديث نعم متفق عليه قال لا يرمي رجل ورجلا بالفسق أو الكفر ونعم لا يكن كذلك إلا ارتد على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا interdit qu'on juge les personnes par ce qu'elles ne sont pas, par les choses qu'elles ne sont pas, qu'elles ne méritent pas. On ne dit pas à une personne, à un homme parmi les hommes, c'est un fasir ou bien c'est un kafir, si jamais cette personne-là, en vérité, elle ne l'est pas. فكذلك هذه المسألة الحكم بغير ما أنزل الله يترتب على عليها هذه الأشياء. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas la bonne compréhension, il va peut-être y en donner comme des jugements à des personnes qui ne le méritent pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien évoqué dans ce hadith-là, que la personne qui jette le discrédit sur une autre, qui juge une personne alors qu'elle ne le mérite pas, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce jugement-là, il est plus à même d'être sur la personne qui a jeté ce jugement-là sans rime. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien évoqué que cette personne-là, c'est lui qui mérite le plus d'être nommé par la chose qu'il a jetée sur son frère. Wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, من قال في أخي ما ليس فيه أسكنه الله سبحانه وتعالى رضغة الخبل. Celui qui dit une chose sur son frère alors qu'il ne mérite pas, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire demeurer dans le pu des gens de l'enfer. وَكَفَى بِذَلِكَ خِزْيًا. Ceci suffit pour humiliation. Donc ça nous montre que c'est une mas'ala qui est quoi? Qui est très dangereuse. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala نعم التوفيق والسداد pour les personnes, lorsqu'on rentre dans ces sujets-là qui sont vraiment dangereux. Le fiqh fi d-din, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. هَلْ مِنْ رَازِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ. فَالْفَهْمْ, c'est quoi? C'est un rizqun min rizqi Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne compréhension, c'est une substance parmi les substances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala, la siyama, et notamment lorsque c'est dans des sujets qui sont très très très dangereux. Comme on peut le voir dans ces sujets-là dans lesquels on parle des asma et des ahkam, dans lesquels on juge des personnes par des choses. Wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi hadith ibn Mas'ud muttafaqun alayhi fa qala qitaluhu kufrun wa sibabuhu fusuq. Le fait que tu insultes ton frère, et c'est pas le fait de l'insulter par son père ou bien sa mère, lakin c'est un ta'n fihi. Le fait que tu dis à une personne, il y a une chose dont il ne mérite pas, c'est un ta'n fihi. Tu l'as certes dénigré. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, fusuq. Le fait que tu insultes ton frère, que tu le dénigres, c'est du fusuq. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, bi'sa al-ismul fusuq ba'da al-iman. Quel bien mauvais nom, une personne reçoit, c'est-à-dire elle fisque lorsque, après qu'il est cru. Donc, kazalika, ça nous montre de faire très attention dans ce sujet-là. Wa qala l'imam ibn Abil Iz, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des personnes qui ont donné une bonne explication de aqidat al-tahawiyya, faqala rahimahullah ta'ala, faqala fa inna min a'zam al-baghi أن يشهد على المعين أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا هو حكم الكافر بعد الموت. Il dit, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas une plus grande injustice et une plus grande transgression que le fait d'attester sur une personne, de juger une personne en lui disant que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le pardonner, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui faire miséricorde, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire demeurer éternellement dans le feu de l'enfer. Car il a dit, le fait de juger son frère en disant que c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala, ça implique cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fait pas miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire demeurer éternellement dans l'enfer. Il a dit, le fait qu'on juge d'une personne, qu'on lui dise c'est un kafir, ça implique ces choses-là. Et si jamais c'est pas le cas, regarde bien le hukm qu'on a descendu sur cette personne-là. La shak wa la ra'iba fi kama qala rahimahullah ta'ala. Il n'y a pas plus grosse injustice que celle-là de juger son frère par ces critères-là qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va lui faire demeurer avec le kuffar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytahu. Au Seigneur, celui que tu fais rentrer en enfer, tu as certes humilié. Donc quelle humiliation il a dans le fait de juger kazalika son frère par des choses qui ne le mérite pas. Wa qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Et ça c'est une qaida qui est super importante et qu'on doit de faire précéder au sujet qui est al-hukm bighayr ma anzalallah. Lianna kama qulna yatarattab bihi ala mas'alati al-ahkam wal asma. Qala Sheikh al-Islam fi al-fatawa, majma' al-fatawa, qala man thabata islamuhu bi yaqin lam yazul 'anhu dhalika bi shakk. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إن دي رحمه الله تعالى. الأصل في الإنسان سكوا celui qui a attesté أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. celui qui est venu avec la shahadatan et qui a ramené حقوق الإسلام qui sont الصلاة والزكاة ça fait de cela, de cette personne-là qui est quoi? Un musulman. On le prend de son apparence. On le juge par son apparence, par les œuvres qu'il a fait, par la chose qu'il a prononcée qui fait qu'il rentre dans l'islam. On juge biyakin que cette personne-là elle est quoi? Elle est musulmane. Faqala rahimahullah ta'ala, man sabata islamuhu biyakin, celui dont son islam il a été yani sabata yani affirmé par certitude, qala la yazul dhalika anhu bishak. On ne peut pas lui retirer ce titre-là, tam qui est al-islam, par un doute, par une forte présomption à l'akhir. Tu peux te permettre de lui retirer ce titre-là, qui est al-islam, que c'est plus un muslim, que si jamais t'as quoi al-yaqin. Wa hadha yani ça fait partie de qawa'id al-din. Tam al-yaqin la yazul bishak, comme on a pu le voir dans qawa'id al-fiqhiyya. Une fois que tu as une certitude sur une chose, tu ne peux pas changer cette certitude-là par quoi? Par un shak. Fala yajuz. Celui qui, on le connaît comme étant muslim, pour qu'il sorte de l'islam, il faut qu'il sorte de l'islam comme il est rentré. C'est-à-dire de manière claire et nette. Comme qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Illa an tarawn fihi kufran bawah, fihi burhan. » Excepté si jamais on voit une mécréance qui est claire et nette, qui est comme « al-shams ». « La yakhtalif fihi ahad ». Lorsqu'il voit « shams », c'est « shams ». C'est pas « la lune ». « La yakhtalif fihi ahad ». Donc il vient avec une mécréance qui est grande comme une maison, dont personne ne peut avoir de quoi, de doute sur cela. Comme ça, c'est une qaïda qui est quoi? Qui est muhimmatun jiddan. Donc, ashukuk et les fortes présomptions, et ila akhirihi, on ne peut les prendre en considération dans ce bab-là qui est quoi? Al-asma wal-ahkam illa bil-yaqim. On prend la certitude. Kazalika, l'importance d'étudier cette mas'ala-là, qui est al-hukm, bima anzal Allah, wa kazalika bima tarattaba al-hukm, bighayri ma anzal Allah, c'est que, hadihi mas'ala, kasura fihi al-khawd. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé dans cette mas'ala-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont débattu et délibéré dans cette mas'ala qui est al-hukm bighayri ma anzal Allah, parce qu'elle fait partie des mas'ail dans lesquelles naham al-adilla fiha mutashabiha, à son sujet d'interprétation diverse. Fa waqa'a fi al-khawd, les gens ils ont beaucoup parlé dans ce sujet-là. Taratan bil-haq wa taratan bil-batil. Et ces choses-là dans le sujet dans lesquelles les personnes ont beaucoup parlé dans ces sujets-là, dans lesquels les adillah à son interprétation diverse, tekallamu bil haqq taratan wa bil batil taratan, la personne al muslim il se doit de les étudier avec il se doit de bien les étudier afin de ne pas tomber dans ce que sont tombés les gens. Les ashiya allati hiya mutashabiha al muslim il se doit de les connaître afin de ne pas tomber dans le char qui a dans cela. Parce que si kathura fi al khud, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quoi, qui ont ignoré et qui ont dit des choses batilah. Fa anta t'es pas yani à l'abri de ne pas tomber dans ces choses-là. Donc c'est quoi as-salama? C'est de s'abriter et de prendre les asbab afin que tu sois épargné de tomber dans les choses dans lesquelles sont tombés ces gens-là, dans le batil ou dans at-takallum bil batil, dans le fait de parler dans le batil. Et ça, c'est par le quoi? Ça passe par la science. Ka ash-shubha, sa guérison, c'est quoi? C'est la science qui m'a qala al-ulama qala marad al-qulub amran. Marad al-qulub maradan. Il y a deux maladies des cœurs. La maladie des shahawa et la maladie des shubha. La maladie de shahwa à part avec quoi? At-taqwa. Ou la maladie qui est al-shubha à part avec quoi? Al-ilm. Donc il faut étudier ces sujets-là qui sont d'interprétation diverse car ils sont dangereux. Ils ont pris des gens et toi t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri de ne pas tomber dans ces choses-là. Wa kama qala as-sahabi al-jalil Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu fa qala kana an-nas fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yas'alunahu 'an al-khayr. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. فكان يقول les gens à l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient le questionner au sujet des choses qui sont dans le khair. Quant à moi, je le questionnais dans le sujet qui sont quoi, dans lequel on retrouve un mal, afin que ce mal là il ne m'attrape pas. فقال مخافة أن يدركني, c'est que le char, même si jamais tu étudies, il sera toujours derrière toi. Il n'était pas à l'abri de tomber dedans un jour ou l'autre. Donc il faut se préserver. Il n'a pas dit, يعني, يذهب ذلك عني. لا. مخافة أن يدركني. C'est que même si jamais tu l'as étudié, le char, لا يزال فيه. تام. ودليل على ذلك. Ibrahim, qui est imam des mouahides, ماذا كان يقول من دعائه؟ رب جنوبني وبني أن نعبد أصنام. فقال العلماء وقال الزهري من يأمن الفتنة بعد إبراهيم. إبراهيم كان يقول وهو إمام الموحدين وبالإجماع بالاتفاق أن الأنبياء لا يقعون في الشرك. Ils peuvent pas tomber dans la mécréance, ils peuvent pas tomber dans les sujets dans le kabair. On parle pas de yani dans le shirk. Dans le kabair, c'est impossible qu'ils tombent dedans l'anbiya. Malgré cela, qu'est-ce qu'il disait? رب جنوبني وبني أن نعبد أصنام. Seigneur, épargne-moi et kazalik à ma descendance qu'on adore al-Asnam. Malgré cela, c'est qui? C'est Ibrahim, alayhi salam, imam al-Muwahhidin. Il avait peur de tomber dans le shirk alors que c'est imam al-Muwahhidin. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'abri de tomber dans le shirk. Donc, yani, qui est à l'abri après Ibrahim qui m'a dit l'imam Zuhri de ne pas tomber dans le shirk? Même si jamais tu as l'ilm, tu peux toujours tomber dedans. Falizalik a dit Hudhayfa ibn al-Yaman, makhafatan an yudrikani. Le shirk, il est en permanence derrière toi. Tu as pris l'asbab pour cela, lakin, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te rattraper. Lakin, tant que tu feras l'asbab pour pas qu'il te rattrape, il ne va pas te rattraper. Lakin, il sera toujours derrière toi. Tu peux lui mettre une distance. Lakin, il sera toujours en train de courir. Il y aura une distance, naram, lakin. Le char, il est là, il faut faire attention. Il faut faire attention lorsque c'est des masailles dans lesquelles elles sont de plus en droit qu'on se préoccupe de ces masailles-là afin de ne pas tomber dedans. Parmi les choses qui soulignent l'importance d'étudier cette masaille-là, al-hukm bima anzal Allah, c'est que zallat fihi al-sinatul afadil. Les ulama, ce ne sont pas des anbiya. Les ulama, ils se trompent, même si jamais ils sont à la khair. Wa hatta qala l'imam al-shaykh al-albani, alayhi rahmatullah, fa qala li kulli alimin zalla. Il n'y a pas un alim qui ne fera pas une erreur. Chaque alim, il aura son erreur, qui va l'attendre. Li kulli alimin zalla, il va se tromper. Et certains, comme c'est arrivé dans ce sujet-là, ils se sont trompés. Lakin, ce n'est pas des anbiya. Al-imam ibn Baz, alayhi rahmatullah, lorsqu'il a été questionné par rapport à son cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui a un livre dans cette mas'ala-là, Tahkim al-Qawanim, alladhi fihi yahkum bil-kufr ala man, yani hakama bi-ghayri ma anzal Allah, parmi l'ahkam al-wad'iyya. Faqala, al-cheikh ibn Baz, lorsqu'il a été questionné par rapport à cela, et c'est son élève, cheikh ibn Baz, c'est l'élève de Mohammed ibn Ibrahim, il a dit, Mohammed ibn Ibrahim, c'est pas un nabi, c'est pas un prophète. Yukhti wa yusib. Qala wa ibn Taymiya, yukhti wa yusib. Wa ibn Qayyim, yukhti wa yusib. Tous parmi les hommes, en dehors des anbiya, dans tout ce qui est sujet à la religion, يعني يخطئون ويصيبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم a montré que الحاكم il peut se tromper. La personne qui fait une interprétation dans les sujets de science, il peut se tromper. L'alim, il peut se tromper. Donc يعني certains des ulama sont trompés dans cette masala là, et beaucoup de gens derrière eux, ils les ont suivis parce que c'est cheikh fulan par rapport à la renommée. Et comme a dit les ulama, عرف الحق تعرف به الرجال. Comment on connaît le haq? C'est pas par rijal. Lakin connaît le haq, tu vas connaître yani les véritables gens de science, ceux qui suivent le haq. Al-alim il peut se tromper. Et hatta comme a dit Cheikh Al-Albani, il va se tromper. Il aura son erreur qui va l'attendre. بعض العلماء sont trompés dedans et ça c'est une fitna. Comme a dit Omar ibn Khattab رضي الله عنه. فقال رحمه الله تعالى هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ Sais-tu quelles sont les asbab qui anéantissent l'islam? فقال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. Il dit les asbab qui font que l'islam il est détruit, il est anéanti, c'est زلة العالم, l'erreur du alim qui est suivi. L'erreur du alim qui est suivi. Parce que l'alim peut se tromper, il revient. Lakin c'est ceux qui suivent l'erreur qui font la fitna. يعادون لأجل ذلك. Tu les vois être virulents par rapport pour la parole du alim. Fait c'est haoula ceux qui suivent derrière aveuglement qui font une fitna et qui sont un asbab parmi les asbab de quoi? De la destruction de la religion comme qala Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Et les deux autres choses, c'est le fait de débattre avec le munafiq, parce que le munafiq il veut pas revenir. Donc le fait que toi tu sais qu'il veut pas revenir et que tu débats, qu'est-ce que tu veux derrière cela? Il va pas revenir. Al-Imam ibn Sirin, Mohammed ibn Sirin, il mettait ses doigts dans les oreilles lorsque les gens, ils voulaient, parmi les munafiqs, parmi les mubtadi'ins, ils voulaient seulement lui réciter le Coran. Il a dit, voilà, ayah. Ne me récite même pas une ayah. Pourtant, c'est le Coran. Ça peut être quel haq qui va quoi? Qui va réciter. Là, qu'il malgré cela, ils voulaient rien entendre d'eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui veulent te tirer vers le mal. Ils veulent pas que il y en ait connaître la vérité. Et kazalika hukm a'imatu al-mudallin. Les a'imma, les gouverneurs, qui ne mettent pas en application les ahkam d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui légifèrent cela sur la umma, kazalika c'est un sabab, min al-asbab allati biha yahdimu ad-din, que le din, il est anéanti. Et kazalika parmi les choses qui soulignent l'importance d'étudier cette mas'ala Allah, al-hukm bima anzal Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'elle fait partie de usul ad-din, comme on a pu évoquer un petit peu dans le début de la kalima. Fa na'am, min asma' Allah subhanahu wa ta'ala, annahu al-hakam, kama sabata zalika min hadithi l'Abi Shurayh, qui s'appelait Abu al-Hakam. النبي صلى الله عليه وسلم يلا ordonné selon Allah, il a dit إن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم. Allah سبحانه وتعالى c'est lui le juge, يعني si on peut dire cela, c'est lui le حكم. وإليه الحكم, et le jugement il revient à Allah سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله عز وجل الحكم, وكذلك من أسمائه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين, كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأثبت لله سبحانه وتعالى كله أحكم الحاكمين, le plus juste des juges, تام, le juge des juges. وكذلك قال سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين, نعم, كما قال سبحانه وتعالى وإن طائفة من المؤمنين وإن طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فهذه الأسماء هي ثابتة لله سبحانه وتعالى, dans lequel Allah سبحانه وتعالى nous informe qu'il est الحاكم, que c'est lui qui juge, نعم, كما قال سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء يوجب علينا اعتقاد, on doit avoir un اعتقاد par rapport à ces أسماء-là. Quel est l'i'tiqad que doit avoir le musulman par rapport vis-à-vis de ces asma-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala tasamma bihi, par lequel il s'est nommé? Fakama qalahu subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah, c'est qu'on a l'aqida que le hukm il n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas remis à aucune personne, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il a une autorité, ila khirihi, kafir, amla, bar ou fadir, il ne revient pas à cette personne-là de juger par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ مِنْ أَسْمَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ, que c'est lui le hakam, c'est lui le juge, c'est lui le parfait juge, et c'est vers lui que revient le jugement, c'est vers lui qu'on doit juger, et on ne doit pas juger par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'aqida qu'on doit avoir vis-à-vis des asma de Allah subhanahu wa ta'ala, qui regroupe la sifah du jugement. نعم, كما قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله, وكما قال سبحانه وتعالى ألا له الحكم, وقال سبحانه وتعالى وله الحكم وإليه ترجعون. فهذه الآية تدل دلالة واضحة أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحكم, وأن الحكم إنما يكون لله سبحانه وتعالى وإليه سبحانه وتعالى. donc ça c'est la aqida qu'on doit voir par rapport à Asma Allah subhanahu wa ta'ala, أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. Il doit juger que par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la aqida qu'on doit avoir par rapport à ces asma, et كذلك par rapport à rububiyyatullah subhanahu wa ta'ala في هذه الأسماء, أنه يحكم وإليه الحكم وإن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا عرف ذلك المؤمن فكيف نعم يتأتى له أن يعدل عن حكم الله سبحانه وتعالى. celui qui a la aqida parfaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, wa ilayhi al-hukm, que le jugement revient à lui, et qu'on n'a pas le droit de juger par une autre loi que lui, comment après cela il peut laisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala? wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala atahukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Est-ce qu'il recherche, lorsqu'il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il ne recherche qu'à travers cela le hukm de la jahiliya? Ma'ruf, le hukm de la jahiliya, c'était que de l'ignorance, c'était bâti sur quoi? Du zulm, c'était bâti sur l'injustice, ila akhirihi, parmi les arcanes de la jahiliya. Fait celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas de est-ce qu'il y a kfuran là, c'est vraiment yani, un safih. C'est vraiment quelqu'un qui est très très très bête, yani, parce que par cela, il délaisse yani, ahsan al-ahkam, et il prend hukm al-jahiliya. En dehors du hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que le hukm jahili. Le hukm qui est quoi? Qui est bâti sur l'ignorance et qui est bâti sur la pure injustice. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Et les paroles de ton Seigneur sont véridiques, c'est-à-dire dans les akhbar, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, wa adalan kama qala al-ulama fi al-ahkam. Les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les plus justes. Donc en dehors du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui laisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger par une loi que lui-même il a inventée, ou bien il s'appuie sur le jugement des autres, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien il a laissé le plus juste des jugements. Donc celui qui délaisse le plus juste des jugements, il a surpris le plus injuste des jugements. Wa kadhalika qawlu subhanahu wa ta'ala fa madha ba'da al-haq illa ad-dalal. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haq, وكلمته هي الحق وحكمه سبحانه وتعالى فهو الحق فمن ترك الحق كما قال سبحانه وتعالى. il y a pas une troisième issue. فماذا بعد الحق إلا الضلال. celui qui délaisse le haq, Celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes pris quoi? Il a certes pris l'égarement. Donc, comment on peut se permettre de juger par une loi qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et la légiférer un peuple en entier, ou bien que le père y juge, dans son foyer par une autre loi qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses enfants, sur sa femme, ou bien al-insan nafsuhu bi nafsi, il juge, lorsqu'il fait des choses, lorsqu'il y'amal, il délaisse le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se faire une injustice à lui-même. Fa kama qala subhanahu wa ta'ala, wa man yarghab 'an millati ibrahim illa man safiha nafsa. Il n'y a qu'une personne qui est faible d'esprit pour délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Milato Ibrahim, qui est la religion du Tawhid, la religion de la soumission. فالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى كما رأينا par rapport à cette ayah là, c'est une chose qui est quoi? Qui est obligatoire. Et ça, c'est un حكم, cette obligation là, comme قال الفقهاء, c'est un حكم, c'est un واجب qui est quoi? عيني, comme la prière. C'est une obligation à l'individuel, c'est-à-dire que ça revient à tout individu qui est pubère et l'akhirihi, qui est noir, blanc, grand et l'akhirihi. Tout musulman, il doit juger par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui lui incombe à l'individu. On a pu les voir. Et كذلك on rajoute par rapport à cela, قوله سبحانه وتعالى إن الحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas qu'on doit juger lorsqu'on juge. Anihkum baynahum, et lorsque tu juges, juge entre eux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre. Donc là, Allah azza wa jalla il a utilisé l'ordre. Anihkum, wa kadhalika qawlu subhanahu wa ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Par ton Seigneur, ils vont pas croire. Jusqu'à ce que lorsqu'ils jugent, ils te prennent comme jugement. Le tribunal, c'est kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce sont les lois vers lesquelles on revient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait part dans cette ayah-là que le fait de délaisser le jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et de ne pas revenir au kitab à la sunnah lorsqu'on veut juger entre nous, il a dit ça, ça ne fait pas partie de l'iman. Et comme on va le voir, inshallah tabaraka wa ta'ala, la ayah, elle n'est pas à prendre au premier degré. وكذلك قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون. نعم كذلك هذه الآية تدل على وجوب الحكم بما أنزل الله. وكذلك قال سبحانه وتعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. Si jamais vous avez une divergence dans n'importe quel sujet de la religion, le jugement il revient à Allah سبحانه وتعالى. قال الإمام شيخ الإسلام النجدي محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله كما في الدرار السنية سيمامي وعيبان رحمه الله تعالى فقال si jamais Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné lorsqu'on a un sujet de lorsqu'on a une divergence, que, quelle que soit la divergence, grande ou petite, s'il nous a ordonné de revenir à son kitab, c'est parce que dans le kitab il y aura la réponse à ce il y aura كذلك la solution à cette divergence là. نعم وقال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Dans ces trois ayats là, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé que celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Et il a dit, c'est un zalim. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, que ce sont kazalika, des gens qui sont pervertis, qui sont pervers. فهذه الآية تدل على وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما رأينا par rapport au asma d'Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné que نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى, ceci nous montre que الحكم بما أنزل الله ça fait partie du tawhid. Parce que un, c'est en relation avec quoi? Les asma wa sifat wa rububiyya. Et de deux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne, c'est les choses qu'il agrée. Et les choses qu'il agrée, ce sont des choses qui font partie d'ahibada, comme a dit le Cheikh d'Islam ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم كتاب العبودية فقال العبادة هو عبارة عن كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Il a dit العبادة, l'adoration c'est quoi? C'est toutes les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il a mis l'agré parmi les paroles et les gestes qui sont apparentes ou bien qui sont dissimulées. فهذه هي العبادة. Donc le fait qu'Allah عز وجل il ordonne une chose, c'est clair que cette chose-là, il agrée et il l'aime. Donc ça fait partie de l'ibada. Donc si jamais ça fait partie de l'ibada, ça fait partie du tawhid al-uluhiyya. Et tout cela nous amène à évoquer كذلك une chose. Certains des gens, par rapport au hukm bima anzal Allah, ils appellent ça tawhid al-hakimiyya. Le tawhid, l'unicité dans le jugement. Fahada, hadihi at-tasmiya, de cette mas'ala-là qui est le hukm bima anzal Allah, ou bi ghayri ma anzal Allah, Il dit, c'est un qisme à part du tawhid. Bel, ils ont dit, at-tawhid yanqasimu ila arba'ati aqsam. Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifa, wa tawhid al-hakimiyya. Anna lakum hadha. Où ils ont trouvé, où ils ont pêché cet affirme tawhid? Qalu huwa tawhid al-hakimiyya. Le fait que l'insan, lorsqu'il juge, il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alu hadhihi al-mas'ala, c'est un tawhid, yani à part. Ma'na dhalika, celui qui délaisse ce tawhid-là, il a, c'est un mushrik. Yani tout cela pour arriver à cette issue-là de juger de la mécréance des hukam, quel que soit le jugement, comme on va le voir, parce qu'il y a des halat. Lakin al-ulama kashafu. Hadhihi ad-dalalat, et cette tromperie qui est de vouloir mettre une quatrième catégorie qui est tawhid al-hakimiyya, ça n'existe pas. فقال الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى فقال التوحيد الحكيمية نوع فرد من أنواع التوحيد العبادة وجعله من توحيد الحكيمية هذا من غلو بعض الجماعات الوجيه حفظه الله تعالى التوحيد الحكيمية لفيد الابلي كمسا إلا دي ستوحيد لا c'est une catégorie parmi les catégories du توحيد العبادة ça rentre dans توحيد العبادة il va l'expliquer bien après il dit le fait qu'on le mette à part et dire que c'est un qisme, yani une catégorie à part, la quatrième catégorie comme ils ont prétendu, il dit ça fait partie du rouleau de Ba'd al-Jama'at, yani Jama'at al-Takfir, wal-Qa'ida, wa-Da'ash, wa ghayrihim. Ça fait partie de ce rouleau, de l'exagération de ces personnes-là. Qala wa tawhid al-hakimiyya min anwa' al-ibada. Ça fait partie de la ibada. Qala kad-du'a wa-dhabh wa-nadr ila akhirih parmi les ibadat. T'as le fait de faire des vœux, d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des du'as. Et dit ça, كذلك, c'est نوعٌ من أنواع العبادة. فكذلك الحكم بمن ذا الله سبحانه وتعالى c'est نوع من أنواع العبادة. فقال رحمه حفظه الله تعالى قال لو يأتي أحد ويقول توحيد الدعاء وجعله توحيدا وتوحيد النذر وجعله توحيدا وتوحيد الذبح وجعله توحيدا. Donc toutes les عبادات ça fait partie du tawhid, il nous dit, rahimahullah ta'ala. Ou plutôt, hafidahullah. Il nous dit, donc, si jamais on suit la logique de ces personnes-là, tout ce qui fait partie de la ibada, il faut qu'on la place comme catégorie à part dans tawhid. Donc, dans ce cas-là, il y a une multitude de tawhid. At-tawhid, c'est par des millions. On ne dira plus, at-tawhid yanqasim ala thalatha, ou lakin, at-tawhid yanqasim ila un million. Donc, tawhid al-salah, tawhid al-zakah, tawhid al-siyam, tawhid al-hajj, tawhid al-du'a, tawhid al-nazar. Il y en a, on s'en sort plus. Parce que ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la ibada comme on a pu le voir. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla il aime cette chose-là, il nous l'a ordonné, ce qu'il aime, il agrée. Donc ça fait partie de la ibada. Et ça fait partie d'une catégorie parmi les catégories de la ibada. Wa tawhid al-ibada ou bien tawhid al-uluhiyya, ça englobe toutes ces choses-là. Donc le fait de dire que c'est une catégorie à part, dans ces cas-là, si on suit la logique, comme il a dit, hafidahullah ta'ala, donc dans ces cas-là, toutes les choses qui sont la ibada, qui rentrent dans la ibada, on en fait kazalika une catégorie parmi les catégories du tawhid, et dans ce cas-là, on s'en sort plus. نعم فقال حفظه الله تعالى الشيخ الراجحي قال فغالت فيه الجماعات المعروفة كسون التكفيرين قال وصارت لا يتكلمون إلا عن توحيد الحاكمية وتركوا الكلام في أنواع الشركيات حفظه الله تعالى ceux qui ont fait cela ceux qui ont exagéré dans le fait de placer à part ce tawhid là ils ont dit معروف c'est une jama'a qui est bien connue c'est la jama'a qui est bien connue et ils ne font que de parler de cela. Chez eux, le tawhid, c'est comme si jamais se résumait qu'un seul tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de cela. Ils délaissent toutes les autres choses parmi les shirkiyat. Tu les vois, ce sont les personnes qui se préoccupent le moins de parler sur le shirk. Le tawhid, indahum, c'est le tawhid al-hakimiyya. Les hukam, amma haoula, il est loupa. Amma les autres choses, dans al-zabh, le raylillah, tu les trouves très très peu parler dans ce sujet-là. Alors que la ummah, elle est éprouvée par cette chose-là qui est al-zabh, le raylillah, subhanahu wa ta'ala. وأنواع الشركية اللي هو با يهتمون كما يهتمون كذلك بيش بالتوحيد الحكيمية. ils se préoccupent pas des أنواع الشركيات comme ils se préoccupent du shirk qu'ils appellent le shirk dans الحكيمية. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هذه تسمية الإخوانيين. il dit ceux qui disent le توحيد الحكيمية c'est pas le sunnat wal jamaa. cette appellation là elle est connue chez les إخوان. معروف الإخوان كذلك parmi leurs أصول c'est de quoi? de sortir contre les حكام. Et ils prennent cela pour issue, le biais pour arriver à cela, de parler du tawhid al-hakimiyya, et que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a délaissé ce tawhid-là, donc c'est un mushrik, donc il faut sortir contre lui, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Illa an tarawna fihi kufran bawah min Allah fihi burhan ». Donc ils se prennent avec ils prennent ces choubahats-là pour arriver à cette issue-là qui est de quoi ? De sortir contre les hukam. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال هذه المصطلحات بدع سياسية. Le fait de parler de cette chose-là qui est Tawhid al-Hakimiyya, il nous dit que c'est une bid'a, une innovation, une politique, à des fins et un but politique, arriver à écarter les hukam de leur chaise et de prendre leur place. Il dit que Tawhid al-Hakimiyya, le fait de juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans l'une des trois catégories du Tawhid, comme on a pu le voir. Ça rentre dans Tawhid al-Asma wa Sifat. Et ça rentre kazalika dans Tawhid al-Rububiyya, le fait que tu as l'aqida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahkum. C'est une sifa qui fait Allah subhanahu wa ta'ala. Et kazalika Tawhid al-Ibada, parce qu'Allah nous a ordonné, et le fait qu'il ordonne une chose, ça rentre dans l'Ibada, donc l'Ibada doit être quoi? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans Tawhid al-Salafa, comme il a dit. رحمه الله تعالى قال ومما يدل على أنهم استعملوا هذا الاسم المبتدع لغرض سياسي ولا ديني فإنهم لا يهتمون بجماهير الأمة تركوهم في ضلالهم يعمهون فقال رحمه الله تعالى et parmi les choses qui nous montrent bien que ces personnes-là ont employé cette tasmiya qui est le tawhid al-hakimiyya afin à un but politique et non pas un but religieux, c'est que tu ne les vois pas se préoccuper de la majorité des ummas, c'est-à-dire de la situation dans laquelle elle trompe yani cette umma-là, qui est la plupart, yani, ils ne connaissent, yani, tu les vois faire des shirkiyat et la khiriyi, tu les vois pas yani, se préoccuper par des choses qui sont super importantes yani, dans la religion, dans les choses dans lesquelles ils tombent dans shirk, tu les vois pas se préoccuper de cela, mais tu les vois juste se préoccuper de quoi? Du hukm, du ghayr ma anzalallah, comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu qu'une seule chose, qui est quoi? Al-hukm, yani bima anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala hadhin kalimatun idhan khatiratun li'anna sarafat jamahir min shabab min al-shabab wa ad-du'at 'an as-sirat al-mustaqim. Il nous dit cette appellation-là, c'est une appellation qui est très khatir. Pourquoi? Parce qu'elle a dévié. Elle a fait dévier beaucoup de gens parmi les du'at, les prédicateurs, les prêcheurs, et kazalika al-shabab, et ça les a dérivés de as-sirat al-mustaqim. Wa qala al-shaykh al-Uthaymeen alayhi rahmatullah, par rapport à tawhid al-hakimiyya, il a dit celui qui dit cela, c'est un dal, c'est un égaré, c'est un jahil, c'est un ignorant. قال وهذا قول محدث منكر يجب الانكار على صاحبه. Celui qui dit cette chose là son قول il est محدث, c'est une chose qui est innovée et on doit de réprimander cette personne là ولجنة الدائمة كذلك قال جعله قسما مستقلا عمل محدث. Le fait de prendre ce tawhid là et de dire c'est un tawhid yani à part, il dit c'est une chose qui est quoi? C'est une chose qui est innovée et qu'on ne connaît pas. قال لم يقل به احد من الائمه فيما نعلم. On ne connaît pas les a'imma qui sont réputés et connus dans ce genre-là pour avoir évoqué que le tawhid en qasimu il a arba'ati aqsam. Cette chose-là, c'est une fois, c'est une innovation. On ne connaît pas cette chose-là. Imma, ils ont dit à tawhid en qasimu la qismain, tawhid al-talab, wa tawhid al-ma'rifa, qui est tawhid al-talab, c'est l'ibada, wa tawhid al-ma'rifa, c'est al-rubuya wa l'asma wa sifat. Imma, ils ont dit à tawhid en qasimu la salata. Le fait qu'ils disent deux ou trois, il n'y a pas de khilaf bainahum, parce que c'est la même chose. Lakin quatre, on ne connaît pas. Tawhid al-hakimiyya, c'est une chose qu'on ne connaît pas des ulama. قالوا يجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه. Donc ils ont placé توحيد الحكيم يا لجنة دائمة qui fait partie du qism de quoi? De توحيد الألوهية. Et ils ont dit qu'il faut prendre, faut se préoccuper de tout توحيد الألوهية du début jusqu'à la fin. Terme du début jusqu'à la fin جميعه. قال بدءا بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب وبه بدأت الرسول عليهم السلام. Il a dit, ils ont dit que il faut se préoccuper de tout التوحيد توحيد العبادة توحيد الألوهية. En commençant par quoi? Par interdire aux gens de faire le shirk, car c'est par cela qu'on commençait. Al Rasul كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Al Rasul, ils ont tous été envoyés. Il n'y a pas un Rasul qui a été envoyé dans une contrée, dans un village, dans une communauté sans qu'il ait commencé par la première da'wa qui est quoi? أن يعبدوا الله, adorer Allah سبحانه وتعالى uniquement. Et écartez-vous de Tarout. Et cette fatwa-là, elle a été donnée par la présidence de Ibn Baz ou Al-Mufti, qui est à la place Abdelaziz Al-Sheikh, Al-Imam Al-Sheikh Al-Fawzan, wa kadhalika Bakr Abu Zayd, rahimahumullah, wa hafidha Al-Ahya. Donc ça nous prouve que c'est une chose qui n'existe pas. Tawhid al-Hakimiyya, c'est une chose qui n'existe pas. C'est une bid'a qui est, comme l'a dit Sheikh Al-Albani, afin d'arriver à un but qui est quoi? Politique. Amma par rapport à la mas'ala. Est-ce que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir ou bien c'est pas un kafir? On ne peut pas répondre directement à cette question-là en disant non ou bien en disant oui. Pourquoi? Parce que al-hukm bi ghayri ma anzala Allah laha, ou plutôt lahu halat. Elle a plusieurs situations. Donc une chose, une mas'ala, une question sur laquelle tendarij halat kathira, tu ne peux pas répondre de manière mutlaqa, tu ne peux pas répondre de manière générale dans une question dans laquelle on va trouver plusieurs situations. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles la personne va mécroire, va sortir de la religion, on va le juger comme apostat, Et tu as des situations, des cas dans lesquels il ne va pas sortir de la religion. Donc le fait de dire « Naram, c'est un kafir », celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on a sorti de l'islam des gens qui en font encore partie. Et le fait de dire « Oui », celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore un musulman, kazalika, c'est de zulm, parce qu'on a on a jugé encore de l'islam, de ceux qui sont sortis de l'islam. Et kazalika, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Donc, dans cette question-là, هل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أم لا؟ يعني يخرج من الإسلام أم لا؟ On peut pas répondre par oui et on peut pas répondre كذلك. Par non, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs حالات. Et la première حالات de cela c'est الاستحلال. والاستحلال ماذا؟ Qu'est-ce qu'on entend par استحلال? C'est que la personne يعتقد على العقيدة que elle a la conviction que c'est possible, qu'il a le droit de juger par une loi autre que celle d'Allah سبحانه وتعالى. كما قال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال الاستحلال اعتقاد أنها حلال. C'est quoi l'istihlal? C'est le fait que la personne يعتقد, il a la conviction que cette chose là elle est halal alors qu'elle est haram. Cette chose là elle est halal alors qu'elle est haram. وقال تلميذه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال المستحل لشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. Celui qui dit que يستحل شيء, il dit c'est la personne qui fait une chose avec la conviction, avec la aqida, avec la certitude que ces choses-là, il a le droit de le faire, alors qu'elle est haram. Il sait qu'elle est haram et il dit, j'ai le droit de le faire. Cette personne-là, comme on va le voir, son jugement c'est quoi? C'est que c'est un murtad, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Man hakama bi ghayri ma anzallah, mustahillan li dhalika, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala, murtaddun, wa man shakka fi kufrihi faqad kafar. Et celui qui a un doute sur la mécréance de celui qui juge par une autre loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que c'est haram, et malgré cela il juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant qu'il a le droit, en ayant la conviction qu'il a le droit, la aqida qu'il a le droit, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala, murtad, donc c'est un apostat. Et kazalika, celui qui ose avoir un doute, le bénéfice du doute sur le kufr de cette personne-là, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Kama fi nawaqid al-islam, celui qui la yukaffir al-kafir ay al-mujma'a ala kufrihi, fahuwa kafir. Celui qui ne juge pas par la mécréance de celui qui est mécréant bal-ijma', c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Qala al-shaykh al-islam alayhi rahmatullah, qala al-insan mata halal al-haram al-mujma'a alayhi aw harrama al-halal al-mujma'a alayhi أو بدل شرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قال رحمه الله تعالى à partir du moment qu'un insan il se permet de rendre licite une chose qui est haram bil ijma, ou bien de rendre licite une chose qui est haram bil ijma, ou bien alors il change le din, on va voir qu'est-ce que c'est تبديل الشرع qui est مجمع عليه. قال كافر كان كافرا بالله, c'est un kafir, c'est un apostat. Est-ce qu'il y a un khilaf dans les cas? قال باتفاق الفقهاء, il n'y a pas de doute par rapport à cela. وقال الشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله قال أجمع العلماء على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله il nous évoque الإجماع. ينقل الإجماع que celui qui se permet de rendre licite une chose qui est haram بالإجماع, ou bien de rendre haram une chose qui est licite bil ijma, faqad kafara billah subhanahu wa ta'ala, et ça, il n'y a pas de divergence auprès des ulama de l'islam, comme a dit rahmahullah ta'ala. Donc ça nous prouve bien que celui qui juge par la loi, par une autre loi que celle d'Allah azawajal, mustahillan bidhalika, c'est-à-dire qu'il sait que c'est wajib, comme on a pu le voir à travers les preuves au début, que le hukm bima anzallah, c'est une chose qui est wajib, mu'ayyan, c'est une chose qui est wajib ayni, ala kulli ahad, et malgré cela, يعتقد أنه حلال أنه حرام, c'est-à-dire qu'il prend un autre jugement que celui d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'il voit que cette chose-là elle est licite, فقد كفر بالله سبحانه وتعالى, il n'y a pas de doute par rapport à cela, et celui qui doute فقد كفر بالله سبحانه وتعالى لأن من شك في الكافر الذي هو كفره مجمع عليه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. Et comme on peut le voir à travers la parole de ces deux ulama, et je me suis contenté de ces deux-là, Cheikh al-Islam et كذلك ابن باز, c'est que celui qui يستحل شيئا من أمور الدين فقد كفر بالإجماع. تمام. بقي شيء. Comment on sait que la personne elle a jugé par une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala واستحل ذلك؟ Comment on sait cela؟ تمام. Il s'est permis de faire cela. يعتقد أنه حلال له, que c'est permis pour lui. كما قال الشيخ الإسلام comme on a pu le voir à travers la définition de l'istihla, il a dit c'est un i'tiqad. Wa ma kana min al mu'taqadat, ça fait partie de quoi? Des ashiya qui sont dans le qalb, dans le cœur. Et une personne ne peut pas connaître qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, excepté si jamais la personne, elle dit ouvertement ce qu'il y a dans son cœur. Lakin, si jamais il fait une œuvre, on ne peut pas se permettre, par le simple fait qu'il a jugé par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dit, cette personne-là, istahalla dhalika. Il s'est permis, il est ya'taqid annahu yajuz lahu, qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce que istihalla, c'est un i'tiqad. C'est le fait d'avoir une conviction dans le cœur. Et le cœur, on ne peut pas connaître qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que vous voyez même dans Khutbat al-Haja, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحن et lorsqu'il arrive à la shahada, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله? Là il dit وأشهد, parce qu'il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des autres. C'est pour ça qu'il dit أشهد, on atteste de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc la personne qui se permet de juger une personne en disant que c'est un kafir parce que استحل الحكم بغير ما أنزل الله, et cette personne-là, elle lui a pas fait part, eh ben, yani ana lahu dhalik. Comment il peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani que aucune personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et qu'il y a dans la terre, parmi les choses qui sont invisibles, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ الشَّيْخَ الْعَثَيْمِينَ, par rapport au tafsir de cette ayah-là, il dit, ça veut dire que celui qui yadda'i hadhihi al-ashya, qui prétend ces ashya-là, il vient, yani naza'a Allah subhanahu wa ta'ala fi ma yakhtassu bih. Il vient prétendre une chose qui est quoi? Propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne en dehors d'Allah azza wa jal, puis la personne, yani la personne yani sahib al-qalb, yani c'est eux qui connaissent yani qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. On peut pas se permettre de juger. Wa adalla dalil, qui montre cela, qissatu Usama ibn Zayd rahimahullah radiyallahu anhu. Lamma lahiqa huwa wa rajulun min al-ansar rajulun min al-kuffar. قال فلما غشيناه قال لا اله الا الله. Lorsque Usama et une autre personne parmi les Ansar, ils ont trouvé une autre personne parmi les Kuffar dans le jihad, et Usama, lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont encerclé, Usama ibn Zayd, il a levé l'épée ou bien son rumh, il a voulu le tuer. فقال ذلك الكافر, à ce moment-là, قال لا اله الا الله. فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة ابن زيد فطعنه برمحه إلى شوي حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لا تتوي أبقيك لدي لا إله إلا الله فقال أسامة ابن زيد إنما قال ذلك متعوذا il a dit cela afin de se préserver de la mort parce qu'il savait que j'allais le tuer donc il a dit لا إله إلا الله en pensant que moi je vais le croire qu'il est rentré dans l'islam. فقتلته يا نبي الله. Je l'ai tué. Dans une riwaya, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال إنما قال ذلك خوفا من السلاح. Il a dit cela parce qu'il a eu peur de mourir. Il a eu peur de السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف بك يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي الرواية هل شققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها ام لا. Il dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine, est-ce que tu as ouvert son cœur, tu as vu qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur pour pouvoir te permettre de juger ce qu'il y avait dans son cœur. Et dans l'autre, comment tu vas faire ya Usama le jour où de al-qiyama, lorsque cette personne là il va débattre contre toi, il va dire il m'a tué alors que j'ai dit la ilaha illallah, comment tu vas faire? Donc ça veut dire qu'on doit juger les gens par quoi? Par leur apparence. On ne doit pas juger les gens par quoi? Par ce qu'il y a dans les cœurs. On ne peut pas se permettre. Et ça, c'est le plus gros dalil qu'il nous montre. Pourquoi? Parce qu'il était en temps de jihad. Il a levé l'épée. Donc toute personne va se dire, pourquoi il n'a pas dit la ilaha illallah avant de rentrer dans le jihad? Il a fait cela, pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Tout le monde aurait fait la même chose qu'il a fait. Usama ibn Zayd, lakin waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika al-ansari, il ne l'a pas tué. Lakin lui, il l'a fait parce qu'il a dit, interprétation. Il a dit cela, il ment. Il fait cela avant d'esquiver. فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans son cœur? Donc toute personne maintenant là à notre époque qui se permet de juger par l'apparence des œuvres de ce qu'il y a dans le cœur des gens, yani comment il peut se permettre, yani parce qu'il n'aura pas une situation qui est telle que celle au sein même de dans lequel il a eu tous les indices le permettant de faire cela. Malgré cela, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jugé de l'erreur. Donc comment on peut se permettre après Usama ibn Zayd de pouvoir juger qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens? Celui qui fait cela, il est en train de prétendre une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghayba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam al-Khattabi alayhi rahmatullah fi kitabih al-mahalim par rapport au hadith hala shaqqta an qalbi, par rapport au hadith d'Usama ibn Zayd lorsqu'il a dit est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir qu'il a dit la ilaha illallah, فقال دليل على ان الحكم انما يجري على الظاهر وان السرائر موكوله الى الله سبحانه وتعالى. الامام الخطابي عليه رحمه الله il nous fait part dans cette explication de ce hadith et il nous dit rahimahullah ta'ala ce hadith là c'est un dalil qui est clair que le jugement il se fait par rapport à l'apparence tam bi al-zahir wa an as-sara'ir les choses qui sont discrètes dissimulées dans les cœurs. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit cette parole-là, est-ce qu'il était sincère? Allahu a'lam. Parce que c'est celui qui connaît le ghaib. Est-ce que la personne allati tahkum bi ghayri ma anzal Allah, lorsque tahkum bi ghayri ma anzal Allah, c'est lazim que istahalla zalika? Là, laissa bi lazim. Donc on ne peut pas se permettre, on ne peut que juger par l'apparence. On pourra juger de la personne qui l'a jugé de hukm bi ghayri ma anzal Allah istihlalan, excepté si jamais lui le dit. Il le dit, naam, istihlala zalika. C'est haram, lakin moi je vois que c'est permis. Amma hada, la shak wa la raiba fi. Bal, la shak wa la raiba fi fi kufri man, comme ça s'appelle, ankara zalika, ou shakka fi zalika. Il n'y a pas de divergence sur le fait que la personne qui a un doute sur la mécréance d'une personne qui dit, c'est haram et je me le permets, que c'est un kafir. Billah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment que cette chose-là a fait partie des choses qui sont quoi? Haram bilijma, ou bien il a rendu haram une chose qui est halal. Et parmi les aqwal kathalika, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عقوبة الدنيوية تتعلق بالظاهر ولا يمكن غير ذلك استعريق ذلك بالباطن متعذر وهو متعسر علما وقدرة في مجموع الفتاوى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقوبة الدنيوية, les sanctions qu'on va donner à une personne, comme on avait dit, parce que cette masala là, c'est la masala des asma wal ahkam, dans lequel on juge des asmas pour une personne qui a fait ceci et cela, c'est un kafir, c'est pas un kafir, c'est un mubtadi, c'est pas un mubtadi, kafir, quel est le jugement, hajj ila akhirih, parmi les choses qui en découlent de ces appellations-là, tam, ces asmas-là, donc c'est des ukubat yani dunyawiyah, c'est des sanctions qu'on donne à une personne dans cette vie d'ici-bas. Il dit les sanctions qui sont dunyawiyah dans ce monde-là, tata'allaq yani biyesh bizzahir, c'est par apparence qu'on peut juger par ces choses-là. Wala yumkin ghayr dhalika, et on ne peut pas faire autre chose que cela. On ne peut pas faire autre chose que cela. Parce que le fait de vouloir juger par les choses qui sont d'intérieur, il dit c'est une chose qui est quoi? Impossible. Totalement impossible de faire ces choses-là. Naam. Donc, dans les cas, l'istihlal, ce n'est pas une chose yani, qu'on peut se permettre de pouvoir juger par rapport à si jamais la personne yani, a perdu à juger. Bihukm bihari manzallah. Tu vas dire à la personne, je suis venu, je lui ai fait nasiha. Mais cette personne-là, il continue de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que yani ya'taqid que ces choses-là c'est quoi? Elle est halal. Là, on peut pas se permettre. C'est pas parce qu'il fait beaucoup ce péché-là, yastamir fi dhalika, que yani annahu yastahil dhalika. C'est pas lazim, c'est pas une chose qui est quoi? Qui est impeccable. C'est pas possible, t'as. À partir du moment qu'il aura dit lui-même de sa bouche, et ben à partir de ce moment-là, naham, on va le coincer, on lui dira là, on ne peut plus juger autre chose que tu es un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première hala. La deuxième hala qui est quoi? Al-juhud. Kazalika, al-juhud ma'ruf, c'est le fait de faire apparaître une chose qui est contraire dans ton cœur. Celui qui il fait d'apparence, il nous montre l'iman, en vérité, il n'aime pas l'iman. Il a khiri. Kama kana kufr yani fir'aun. Wa jahadu biha, wa stainqalatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kazalika, la personne qui fait ces choses-là, c'est un kafir billah bilijma. Il n'y a pas de divergence par rapport à cela. Comme l'a évoqué Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Faqala fi haqqi man jahada shay'an mimman awjabahu Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a renié une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné, obligé. Faqala fa innahu kafir murtaddun an al-islam wa in kana yaddahi al-islam bi ijma' ahli al-ilm. Celui qui fait ces choses-là, c'est-à-dire qu'il juge par la loi d'Allah azza wa jal, lakin en vérité, يعتقد لا يعتقد صحة هذه الحكم هذه الأحكام. Et ما يعتقد, il n'a pas le jugement dans son cœur que c'est ces lois-là qu'on doit juger, lakin d'apparence. C'est un peu une sorte d'infaq. D'apparence. Il fait la personne qui est qui se soumet à la loi d'Allah Azzawajal, il juge par la loi d'Allah Azzawajal, d'apparence, mais dans son cœur, il renie cela. Fahaz, cette personne-là, c'est quoi? C'est un kafir billah, bilijma' comment? Comme l'a évoqué, Cheikh al-Islam, Ibn Baz, alayhi rahmatullah, bilijma' ahli al-ilm. Et kadalika, cette mas'ala-là, c'est comme la mas'ala de l'istihlal. Pourquoi? Parce que ça revient à quoi? À l'i'tiqad. C'est le fait que la personne, il renie dans son cœur, le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a pu le voir par rapport à la première mas'ala, on ne peut pas se permettre de juger qu'une personne hatama bi ghayri an ma anzala du hudan, excepté si jamais cette personne-là a le dit. Amma, le fait que, même si jamais il le fait, al-istimrar fi dhalika, on ne peut pas nastafid min dhalika que cette personne-là l'a jugé bi dhalika du hudan. Wa inna min dhalika alash, al-dhahir, si jamais il nous dit que j'ai fait cela du hudan. Kadhalika, parmi la souar de cela, at-takzib, celui qui renie, il y en a de sa bouche directement, hein. Et ça c'est vraiment rare qu'une personne va te dire le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le renie, c'est pas une chose qui est d'actualité, et l'akhiri, ça c'est vraiment rare. Cette personne là qui dit ces choses là, la shakwa la riba fi fi kufrihi, fa qala subhanahu wa ta'ala wa man azlamu mimman kazaba 'ala Allah wa kazzaba bis-sidqi idh ja'a alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin. فهذه الآية يكفي. الله سبحانه وتعالى لا juge de la mécréance de ceux qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il démonte les versets d'Allah azawajal, et kazalika, il démonte les choses parmi as-sidq qui vient vers eux, et parmi les choses qui vient de sidq qui vient vers eux, al-kitab. Tam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, il est mani de al-adilla tadull ala al-wujub, yani wujub at-tahakkum ila kitab Allah azawajal. مثل ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى وكذلك نحكم بينهم بما انزل الله. Il vient dit هذا كذب. فهذا ايش كافرون بالله سبحانه وتعالى. Il y a pas de divergence par rapport à cela. كذلك التفضيل, celui qui juge parmi les soirs, التفضيل, c'est-à-dire que il a la aqida, il a la conviction que son jugement, qui est autre qu'Allah, qui est autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا كذلك لا شك ولا ريب فيه أن من ادعى ذلك ومن فعل ذلك, même si jamais il a pas jugé, le simple fait qu'il a cette aqida là, كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا تصديق قول سبحانه وتعالى ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce que c'est le jugement de jahiliya qui recherche en dehors du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en jugement pour ceux qui ont la conviction? Donc Allah azza wa jalla, il a jugé que c'est lui le meilleur des juges. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala alayhi sallahu bi ahkam al hakimin. Fa celui qui vient et qui dit mon hukm, il est afdal min hukm Allah azza wa jalla, fa hada la shak wa la rayba fi annahu kafir billah subhanahu wa ta'ala li'annahu kadhib mukadhdhib li hadhihi al aya ila ghunya sad aya la. Wa qala al imam Abdullah ibn Mubarak alayhi rahmatullah, comme l'a évoqué l'imam al-Sabouni alayhi rahmatullah fi kitabihi al-Mati' عقيده السلف, فقال رحمه الله تعالى من انكر حرفا من كتاب الله عز وجل فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. Celui qui remet en cause ne serait-ce qu'une lettre, alif lam mim, il dit alif ça fait pas partie du kitab d'Allah عز وجل, cette personne là il est sorti de l'islam. Donc le fait de prétendre que son hukm est meilleur que celui d'Allah عز وجل, c'est comme si jamais il avait renié et menti sur cette ayah-là. Il a rejeté cette ayah-là qui est « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ النِّقَوْمِ يُنْقِنُمْ. وَكَذَلِكَ, cette chose-là, ça fait partie des choses qui sont « مِنَ الْعَقِيدَةِ. Donc comme la première mas'ala, on ne peut pas se permettre par le simple fait qu'une personne juge par une loi qui est autre que celle d'Allah Azzawajal, qu'il l'a fait en ayant la aqida que son hukm il est meilleur que celui d'Allah Azzawajal. Pourquoi ça fait, parce que ça fait partie des choses qui sont mais dans l'aqida, et l'aqida, on ne peut la connaître que si la personne elle nous fait part de sa aqida là, sinon on ne peut pas juger comme on a pu le voir par rapport à la première mas'ala. Et kadhalika min aswar al-musawah, le fait de prétendre que son hukm il est pas meilleur que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il est égal. Kadhalika man idda'a dhalika, le simple fait qu'il a la conviction, le simple fait qu'il a l'aqida, même si jamais il n'a pas encore jugé, kafara billah subhanahu wa ta'ala. Et le dalil qui montre son kufr, c'est la même que le dalil qui est précédent par rapport au cours de subhanahu wa ta'ala, afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsan min Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est lui le meilleur au niveau des jugements. Donc le fait qu'il y a taqid, qu'il y a une personne dont son jugement il est égal à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que lui aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon en jugement. Et ça, c'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala wa takdhibun li hadhihi al-aya. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. C'est du shirk aussi كذلك. تالله, par Allah subhanahu wa ta'ala, on était dans un véritable égarement lorsqu'on vous a mis à égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc يعني التسوية معروف, الشرك c'est quoi? تسوية غير الله بالله فيما يختص به الإله. C'est le fait de mettre une personne, un makhluk, à égo avec Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les choses qui sont propres à lui, « al-hukm tam kama qala subhanahu wa ta'ala, in al-hukm illa lillah subhanahu wa ta'ala ». Fait que ça nous fait, ça nous montre que ceci, c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala, wa l'ayyadu billah. Naham. Kazalika parmi les as-suwar, barakallahu fikum, at-tabdil. At-tabdil, c'est quoi? C'est le fait que la personne a juge par un autre jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant que ce jugement-là, qu'il a jugé, par lequel il a jugé, avec lequel il a jugé, ça fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient, il invente une chose, ou bien il prend une loi autre qu'Allah azawajal, la démocratie, la religion. Et il vient, il prétend que ce jugement-là, il fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça s'appelle quoi? Tabdil. Kama qala, kama naqala, al-imam al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala fi adwa al-bayan, an al-Qurtubi, an ibn al-Arabi. Ils sont venus, ils nous ont donné la définition de quoi? Du tabdil. Le changement. Lakin, le changement, c'est quoi? C'est pas juste le simple fait de juger par une autre loi qu'Allah azawajal. Lakin, en ayant la prétention de dire que son jugement, ça fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme celui qui dit la démocratie, ça fait partie du kitab. Ça fait partie de la sunnah. Celui qui dit ça, ça s'appelle quoi? Tabdil. On va le voir. Et c'est min afhal al-yahoud al-mal'un alayhim la'natullah. Qala al-imam Ibn Arabi, dans son kitab qui est ma'ruf, Ahkam al-Qur'an, dans son tafsir, قال من حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل ويوجب الكفر. Celui qui prétend que la chose par laquelle il a jugé par une loi autre qu'Allah Azza wa Jal et qui a fait partie du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes fait ce changement-là, التبديل. Donc ils nous ont bien évoqué que le tabdil, c'est le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, tout en prétendant que cette loi-là a fait partie du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? Ces trois personnes-là, ils ont dit « yujib al-kufr ». Ça implique la mécréance. « Wa hukm zalika shakhs kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahmahu wa ta'ala fa qala qala mata baddala shakhs al-shara al-mujmaha alayhi kana kafiran murtaddan bittifaq al-fuqaha ». Il n'y a pas de divergence. Celui qui prétend que son jugement qui est autre que celui de la loi d'Allah Azza wa Jal, qu'elle fait partie de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala, un murtad bittifaq al-fuqaha. Il n'y a pas de divergence par rapport à cela. Kafalika, at-tabdil, yani c'est le fait qu'il prétend donc ça, c'est min ahkam al-zahira. C'est comme on fait les Yahoud, lorsqu'ils sont venus dans le Bukhari, ils sont venus pour par rapport à des personnes qui avaient fait zina. Ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'ils ne vont pas être lapidés. Et Anabi Sallam a dit, qu'est-ce que vous trouvez dans la Torah? Est-ce que le rajm, le fait d'être lapidé, c'est présent dans la Torah? Ils ont dit là, yani innama nafda'uhum wa na'am nafda'uhum wa nujalliduhum. On les fouette et on les fait tourner dans la contrée pour les humilier. Parce que ces choses-là, ce n'est pas une bonne chose. Faqala Abdullah ibn Salam, qui était un Yahoudi, ensuite yani aslama, fadakhala fil islam, faqala kazabta. Ils ont demandé de ramener la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait ce rabbit? Il a ramené, il a ouvert la page, là où il prétend qu'il y avait le tajlid et tout ça. Et il a mis son doigt sur quoi? Ayat al-Rajm. Dans le verset de la Torah dans lequel était évoqué la lapidation. Il a lu ce qu'il y avait avant, et il a lu ce qu'il y avait après, tout en sentant le verset. Et il a dit, Abdallah ibn Salam, parce que c'était quelqu'un qui était érudit, qui connaissait la Torah, il a dit, enlève ton doigt. Et il y avait le verset de la Torah qui était quoi? À l'intérieur. Donc eux, ils ont prétendu que la personne, lorsqu'a fait zina, al-Yahoud, qu'on doit le fouetter, et kazalika, on doit l'humilier tout en le présentant aux gens. Ces personnes-là, ils ont fait, même hatta, il y avait tesuid al-wajj, il leur noircissait le visage pour dire, ces personnes-là, ils avaient fait zina et la khadihi, ils le mettaient sur un cheval, les deux dos à dos. Ils ont prétendu que ces choses-là, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de hukm Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la Torah. Donc ça, c'est quoi? Du tabdil. Et ça fait partie de afhal al-yahoud al-mal'uni. Inch'Allah, pour la suite, puisqu'il reste encore beaucoup à évoquer, donc on va la faire, Inch'Allah, en deux parties. Donc Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va suffire de cela tamam pour cette partie-là. Donc on a pu voir une grande partie des souars. Et il en reste une, et kadalaka, arad ala shubahat, qui sont évoquées, Inch'Allah, dans cette mas'ala-là, qui est al-hukm bighayri ma anzala subhanahu wa ta'ala. Fa al-ma'dira, je suis désolé par rapport à cela. Lakin, alhamdulillah, on a pu prendre une bonne partie. Même en un cours, ça aurait fait super lourd, tamam. Donc là, ça fait déjà presque 1h20. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la suite, dans une prochaine assise, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, je ferai part de l'heure par rapport à cela. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala,